m'a regardé, tête ou baissé, c'est un coup à t'exister. M'a demandé ça, moi faire, ou à pas agir comme ça, non. Belle parole, belle promesse, c'est pas ça que m'a cherché. C'est plutôt une action, qui pour faire moi toute raison. Mais chaque fois téléphone, les vidéos sont à deux, ou bon parole qu'elle est. C'est pas une bonne idée. Mandez une dernière chance. Après, fais-moi une petite confiance. Je suis un homme changé. Parlez juste un bouquet. Et tout ça me fait pas jamasser. Bougeons, parlez. Oh, oh, oh, nanana. Mais chaque fois me téléphone, les vidéos sont à deux. Ou bon parole gambé. Dis-moi, c'est pas une bonne idée. Mandez-moi une dernière chance. Après, fais-moi une petite confiance. Je suis un homme changé. Hey. Je t'aime, m'aime d'amour. Parlez juste un bouquet. Bougeons, parlez. Oh, oh, oh, nanana. Bougeons, parlez. Et tout ça me fait pas jamasser. Bougeons, parlez. Oh, oh, oh, nanana. Fais-moi plaisir quand les cœurs t'a parlé. C'est moi qui l'ai choisi, l'aide à grandir. Rêtez-moi en fait d'égaliser qui j'en prenais où. C'est vous qui fait la loi, loi, loi. Tu es non, fais-moi. Oh, oh, oh, oh. My love, you're still the one. Hold you in my arms all night. God, I love you, girl. I, with you, I'm on top of the world. So baby, come back to me. Together forever we will be. I just can't forget. I feel good. Everywhere. Hey, hey. Toute vie me changeait.